La Genèse, chapitre 36. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon le Héthien, Oholibama, fille d'Anna, fille de Tsibéon le Hévien, et Basma, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, Basmat enfanta Réuel, et Oholibama enfanta Jehush, Jaélam et Corée. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Zéhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Zéhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphas, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basma, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphas furent Théman, Omar, Tsepho, Gaétam et Guénaz. Et Tima était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amélec. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahath, Zérach, Shamma et Misa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils de Oholibama, fille d'Anna, fille de Tsibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü Jehush, Jaélam et Corée. Voici les chefs de tribu, issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz. Le chef Corée, le chef Gaétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz, dans le pays d'Édom, ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Nahath, le chef Zérach, le chef Shamma, le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Réuel, dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü, le chef Jehush, le chef Jaélam, le chef Corée, ce sont là les chefs issus d'Oholibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, ce sont là leurs chefs de tribu, Ésaü et Édom. Voici les fils de Zéhir, le Horien, ancien habitant du pays, Lotam, Shobal, Tsibéon, Anna. Dishon, Etzer et Dishon. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Zéhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotam furent Hori et Émam. La sœur de Lotam fut Tima. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahath, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tsibéon, Aja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tsibéon son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Édam, Eshdan, Jitran et Karen. Voici les fils d'Etzer, Bilan, Zaavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les chefs des Horiens, le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Tsibéon, le chef Anna. Le chef Dishon, le chef Etzer, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Zéhir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Joab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Shumam, du pays des Thémanites, régna à sa place. Hushman mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla, de Maréchka, régna à sa place. Samla mourut, et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut, et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po, et le nom de sa femme, Mehetabel, fille de Matred, fille de Mézahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Tima, le chef Alva, le chef Jehet, le chef Oholibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mitsar, le chef Magdiel, le chef Hiram, ce sont là les chefs d'Édom, selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom.